côté, je dirais bonheur. À tes côtés, je veux vivre. Toi qui apaises mes douleurs et me protèges quand j'ai peur, c'est avec toi que je veux grandir. Tu es nom de mon âme de douceur, tu me connais par cœur. Pour toujours, je veux t'appartenir. Tu as mis de la couleur dans ma vie, je n'ai plus peur. J'ai oublié le mot souffrir. Je t'aime et je t'aimerai. Pour toujours, je le sais. Je t'approcherai la lune. Je t'aime et je t'aimerai. Pour toujours, je le sais. Je t'approcherai la nuit. Donnerai la fortune pour être avec toi. Tant de bonté dans ton regard, tant de blessures et vers de l'espoir. J'ai le temps de regarder. Prince charmant, je veux y croire. Tu n'es pas dans ma vie par hasard. C'est mon étoile qui t'a envoyé. Je t'aime et je t'aimerai. Pour toujours, je je t'approcherai la lune, volerai la fortune. Je t'aime et je t'aimerai. Pour toujours, je le sais. Je t'approcherai la lune.